dire. Ils vont vous faire des miracles, ils vont vous sauver d'un débâcle. Parlez-vous, sauvez-vous, parlez-vous, sauvez-vous, parlez-vous. Ils nous prennent pour des cons, tout ce qu'ils veulent c'est notre pognon qui doit servir à nous sauver, qu'ils n'en servent qu'à s'engraisser. Votez pour moi et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Notre pays ne changera pas, à moins de tous les mettre pas, tous ces politiciens de merde qui vous font fric et nous emmerdent. Bye-bye.